C'était il y a quelques semaines sur Arte. La chaîne franco-allemande a diffusé un passionnant document, une enquête sur un personnage extraordinaire, Noël Field. Espion, idéaliste, communiste fourvoyé, encore aujourd'hui, il est difficile de dire qui était vraiment cet Américain qui a été, volontairement ou pas, à l'origine des grandes purges de l'après-guerre dans les démocraties populaires. Captivé par ce document télévisé, j'ai voulu savoir si M. X avait des lumières sur ce mystérieux dossier, lui qui connaît les dessous de tant de nombreuses affaires. Une troisième fois, donc, je rencontre M. X. Le cadre est toujours le même. Nous nous trouvons dans les bureaux ordinairement déserts de cette société d'import-export où mon interlocuteur me fixe rendez-vous afin, dit-il, de préserver son anonymat. Je sais seulement qu'il a longtemps flirté avec les services secrets. Et la dernière fois, d'après les quelques confidences qu'il m'a faites hors micro, j'ai cru comprendre qu'il avait exercé brièvement une fonction politique. En tout cas, ce qu'il m'a révélé la semaine passée à propos de Noël Field m'a stupéfié, parce que ces révélations bouleversent ce que je savais, moi, de l'histoire de l'immédiate après-guerre. Le mensonge à la bouche, la main droite posée sur le cœur. Serais-je habillé sous la douche, ivre mort ou glacé de peur? Serais-je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue? Serais-je assis seul à ma table dans la pénombre à demi nu? Je te regardais en face et te dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Pourrais-je seulement briser la glace et toucher tes joues honte pue? Serais-je mieux pour demander grâce? Aurais-je ravalé mon orgueil? Mon étoufferais-je se place? Qui peut savoir ce qu'on recueille? Ils ne sont pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma langue, ne reviens pas si je m'endors. Mis à ma table quelqu'un tu n'aimeras pas. Serais-je encore une fois coupable de faiblesse, de je ne sais quoi? Serais-je dans mon lit comme un ange ruminant des mauvaises pensées, pressant la peau d'une ombre devant mes yeux pour m'éclairer? Mes vies ne sont pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens, je suis à ma lampe, ne reviens pas si je m'endors. Monsieur X, au téléphone récemment, hein, vous m'avez dit que vous aussi, vous aviez vu à la fin de l'année le document diffusé sur Arte, document, je vous le rappelle, consacré à l'espion Noël Field. Exact. Je regarde assez peu la télévision. Vous êtes un homme raisonnable. Oui, mais enfin là, j'ai quand même fait une exception. Certains des témoignages, comme vous vous souvenez certainement, étaient particulièrement émouvants. Tous ces anciens communistes qui, par esprit de parti, avaient dû se renier ou produire de faux aveux, c'était vraiment singulièrement poignant. Alors, Vous m'avez également dit que ce documentaire, même s'il était remarquable, moi j'insiste, ne présentait qu'une partie de la vérité. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs ? On a raconté tellement de choses sur Field. Bon, il y a dans cette affaire, comme dans bien d'autres, une certaine vérité officielle et puis l'autre. Ouais, ben je vous vois venir. Alors, naturellement, vous, vous connaissez la vérité vraie. J'ai cette chance, oui. Ouais. Et puis-je savoir ce qui vous vaut cette chance ? Écoutez, disons qu'à un certain moment de ma vie, j'ai très bien connu M. Alan Dulles. Le patron de la CIA ? Lui-même, oui. Un maître espion, comme vous ne l'ignorez pas. Un des personnages, d'ailleurs, les plus influents de l'après-guerre. Mais dans cette affaire Field, ce qui compte, c'est que Dulles, dès 1942, était installé à Berne, en Suisse. Officiellement, il était diplomate. C'était en réalité le chef pour l'Europe de l'OSS, l'Office of Strategic Service, vous connaissez. Organisme qui, comme vous le savez, donnera plus tard naissance à la CIA. Et qui va jouer dans la guerre secrète entre l'Ouest et l'Est un rôle décisif. Oui, ça on connaît. Mais vous-même, est-ce que vous avez croisé ce fameux Field ? Oui, croisé, c'est le mot exact. C'était pendant la guerre en Suisse. Noël Field s'occupait d'une organisation d'aide aux réfugiés, essentiellement de réfugiés originaires de l'Europe de l'Est. Une organisation religieuse, le comité unitarien. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Ça fait quand même bizarre hein, pour un type qui si je comprends bien ce documentaire que j'ai regardé, hein, pour un type qui ne se cachait pas d'avoir des convictions communistes. Mais c'était justement un type bizarre, pas désagréable, hein, grand, élégant, très racé, un Américain de bonne famille, jusqu'à la racine des ongles. Vous savez, le genre costume de tweed qui poche au coude, juste qu'il faut, il avait aussi une femme charmante d'ailleurs, Hertha, je m'en souviens bien. Une Allemande, dont il était follement amoureux. En tout cas, je vois rien de bizarre là-dedans. Hein. Non, vous ne m'avez pas laissé finir. Il y avait incontestablement une ambiguïté chez Field. Personne ne pouvait mettre en doute son dévouement, sa générosité. En même temps, on sentait qu'il y avait une faille chez lui. Une part d'ombre, si vous voulez. Comment vous expliquer ? On ne savait pas s'il était réellement généreux ou s'il l'était par calcul pour cacher ses véritables activités. Oui. Mais vous, quand vous l'avez croisé en Suisse, c'était déjà un espion, donc. Déjà. En Suisse, pendant la guerre, l'espionnage était une sorte de sport obligé. Alors Field, oui, comme tout le monde, si je puis dire, à une différence près peut-être, c'est que dans le cas de Field, il était vraiment difficile de savoir pour qui il travaillait. Et à ce moment-là, je ne sais vraiment pas s'il le savait lui-même. Ouais, attendez là, soyez un peu plus précis. Ben écoutez, Field avait des relations suivies avec Dulles, c'est-à-dire avec l'OSS qu'il renseignait régulièrement, d'accord ? Mais en même temps, son activité auprès des réfugiés dans l'association unitarienne le mettait constamment en contact avec des hommes qui, pour la plupart, étaient des communistes et qui seront, après la guerre, les grands dirigeants de toutes les nouvelles démocraties populaires. Eh bien, écoutez, un truc comme ça dans notre histoire, c'est vraiment très important. Ça paraît même capital. Ouais, hein. Donc c'était un agent double, si je vous comprends bien. Disons qu'il en avait le profil. Et Dulles le savait ? Bien sûr, à l'évidence, je dirais même que ça l'arrangeait. Au fond, finalement, grâce à Field, il avait un pied chez celui qui, demain, serait l'adversaire. Donc si je comprends bien, pendant cette période, la guerre froide était déjà en germe. Mais oui, bien sûr. Les Américains savaient qu'une fois Hitler éliminé, le nouvel ennemi s'appellerait Staline. Et dans cette future guerre, Field allait être un pion capital. Enfin, il restait à savoir qui manipulerait qui. Et là, alors là, c'est vraiment l'énigme, Field. has happened to me. Jay is a stranger who never seems to show. So you're out of time. I'm letting go. You will be fine. Or maybe you won't. You're out of time. I'm letting go. I'm not the man that you want. Noel H. Field, un Américain bien tranquille. Famille aisée, un WASP, White Anglo-Saxon Protestant, comme on dit là-bas. Avant la guerre, il travaille à Washington, au département d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères. Puis, il est délégué de la Société des Nations en Espagne, pendant la guerre civile. Et ses sympathies vont ouvertement pour les antifranquistes. Il va d'ailleurs jouer un rôle important auprès des réfugiés républicains après la défaite du camp loyaliste. Puis, il devient directeur du comité unitarien pour l'Europe, d'abord à Marseille, puis, après l'occupation de la zone libre, à Genève. Voilà pour l'aspect, comment dirais-je, officiel du personnage. Et l'autre, le clandestin. J'ai compulsé un livre de référence, Le KGB dans le monde, écrit conjointement par un universitaire anglais, Christopher Andrew, et un transfuge soviétique, Oleg Gordievsky, qui fut un haut responsable du KGB. Andrew et Gordievsky sont formels. Field, je cite, « communiste romantique et rêveur », fermez les guillemets, a été recruté par le NKVD, l'ancêtre du KGB, en 1934, alors qu'il travaillait au département d'État. Il fournissait des informations, pas de documents. Et ses officiers de liaison successifs ne semblèrent guère lui accorder beaucoup de crédit. Bref, si j'en crois ces deux auteurs, Field n'était pas une recrue très efficace et très fiable. Retrouvons M. X pour la deuxième partie de cet entretien. Il y a quand même quelque chose qui m'a tracassé chez Field. C'est que cet Américain ne faisait pas mystère de ses sympathies pour le communisme. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, de la part d'un Américain, surtout à l'époque, c'était pas si fréquent que ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est, en général, les services soviétiques s'efforçaient toujours de recruter des agents, surtout pas chez les sympathisants ou les militants communistes. Il y a quand même... Enfin, je me souviens, moi, il y a eu des exceptions. L'affaire des Rapcorps en France, par exemple. Oui, ça, vous avez raison. Mais alors ça, c'était... Tout début, enfin quelques années après la révolution soviétique, les services n'étaient pas encore aguerris comme un petit peu plus tard. Et puis l'utilisation de correspondants ouvriers dans les usines... C'était les Rapcorps. Voilà, c'est ça, c'est les fameux Rapcorps. Oui. Ça s'est d'ailleurs terminé par une catastrophe, puisque, si vous vous souvenez, le réseau a été démasqué par la police française. Non, le NKVD a très vite compris que c'était effectivement dangereux. Bah, pourquoi ? Parce qu'une part, les militants ou les sympathisants communistes... C'était des objectifs vulnérables qui étaient surveillés par la police de leur propre pays. Bien sûr. Bon. Et puis, ça revenait si l'agent était repéré à compromettre le parti communiste local. Non, les vrais agents affectaient de professer au contraire. Tout à fait. C'était vraiment le contraire. Un anticommunisme farouche. Alors, Field, pourquoi ? Alors bon, si je vous comprends bien, Field, c'était un faux agent soviétique. Non, j'irai pas jusque-là, mais... Je suis quand même sûr que longtemps, Field a joué un rôle, enfin celui de l'agent de Moscou. Un agent qui n'était peut-être pas, d'ailleurs. Ça devient, sûr de rien. Ça devient bigrement compliqué, votre affaire. Mais non, je veux dire que c'est lui qui était demandeur, c'était pas Moscou. Il voulait être à tout prix un agent soviétique, vous comprenez ? Ouais. Donc, Moscou se méfiait quand même. Ouais. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Si Field était communiste, c'était un communiste de salon, passez-moi l'expression. Puis alors, les soviétiques qui étaient parfaitement organisés en Suisse... Ne pouvait pas ne pas savoir que Field avait des contacts réguliers avec Alain Dulles, le patron de l'OSS. Alors, quel genre de renseignements donnait-il à Dulles ? Écoutez, je vous l'ai dit que son travail consistait à aider des réfugiés. Bon, et parmi ces réfugiés, qui étaient des milliers, et pour la plupart vivaient dans des camps, il y avait beaucoup de communistes, des Hongrois, des Tchèques, des Bulgares ou même des Polonais. Field était leur ami, il les avait souvent connus en Espagne, où ils avaient combattu dans les brigades internationales. En Suisse, Il aidait tous ces exilés, ces démunis. Je veux dire, c'est ces gens qui étaient venus, donc qui avaient combattu en Espagne et qui ensuite étaient dans des camps en Suisse. Voilà, en Suisse, c'est ça. Alors, c'était facile pour lui de s'informer auprès d'eux. Bon, ensuite, il transmettait à l'OSS des noms, des fiches biographiques, enfin des renseignements plus ou moins intimes sur les uns, sur les autres. Une matière précieuse pour l'après-guerre, croyez-moi. Je dirais même une matière explosive, parce que je crois d'ailleurs pouvoir affirmer que dans ce domaine des services secrets, je n'ai jamais vraiment connu une opération aussi géniale que cette affaire. Qui était exactement Noel Field ? Cet Américain qui, selon M. X, est au centre d'une des plus étonnantes affaires d'espionnage. Avant de poursuivre ce récit, je vous propose deux approches psychologiques du personnage. C'est d'abord un historien allemand, ancien officier pendant la dernière guerre mondiale, Gerd Buchheit, qui écrit, je cite, « Field joignait la soumission et l'arrogance un total manque du sens des réalités. Il était le Don Quichotte des pseudo-agents de la Seconde Guerre mondiale. » Bon, pas très aimable, hein. Par contre, la biographe de Field, Flora Lewis, écrit, elle, « Field s'était voué avec une véritable humilité à une noble conviction à laquelle il voulait rallier les autres, quelles qu'en fussent les conséquences. Il se soumettait à sa foi et il se sentait engagé à fond, mais il refusait avec présomption d'en imaginer les effets ultérieurs. » C'est un peu plus flatteur, hein. Mais enfin, il ressort en tout cas de ces deux appréciations que Field était fragile et que son manque de bon sens en faisait un homme qu'on pouvait aisément manipuler. C'est un point important si on veut bien comprendre ce qui va suivre. Bon, la guerre terminée, les grands, comme vous le savez, se partagent le monde, et puis alors oui, Staline ça, met la Yalta, main. C'est Yalta. Bon, Staline met la main sur l'Europe de l'Est, les Balkans, il se met de côté. Et qui retrouve-t-on au pouvoir dans les nouvelles démocraties populaires? Je vous le donne en mille, tous les petits copains Field. Bon, ceux qu'il a aidés, secourus, ou simplement avec qui il a entretenu des rapports amicaux. Il y a Rack, en Hongrie. Slansky, en Tchécoslovaquie. Bon, il y en a d'autres, hein, en Varsovie, à Bucarest, à Belgrade. Ils étaient tous ses protégés. Tous ont résisté au nazisme et reviennent chez eux en héros. C'est donc tout à fait naturellement qu'ils prennent les premières places dans les partis communistes et les gouvernements. Et lui, Field, qu'est-ce qu'il devient après la guerre? Oh, il continue tout simplement à travailler pour le comité unitarien. Enfin, je dis provisoirement parce que ses liens étroits avec les communistes commencent à légèrement inquiéter les chefs de cette association religieuse. Et en 1947, on le met carrément à la porte. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'a plus la confiance des services d'espionnage américains. Non, je ne dis pas ça. Mais à l'époque, ça a un peu changé. Tout ce qui est communiste s'en le souffre de l'autre côté de l'Atlantique. Souvenez du macartisme, hein, c'est la bonne période, là. Et les braves gens du comité unitarien, peuvent plus se permettre d'employer un homme qui proclame si ouvertement qu'il est communiste, ou tout au moins son attachement au communisme. Mais attendez, vous n'avez pas entendu. Hein. Je vous demande, moi, si Field était toujours en liaison avec Deleuze. Bien évidemment, on ne laisse pas tomber un homme aussi précieux. Alors, il continue à jouer sur les deux tableaux. Oui. Bon, il se balade beaucoup à l'Est, en général. Hein. Il essaie de faire une carrière dans le journalisme. Il voit ses anciens amis. C'est donc une mine d'informations exceptionnelle. Puis alors, dès ce moment-là, les grands manipulateurs commencent à tisser leur toile. Attends, et vous parlez de qui, là? Des patrons des deux services rivaux, c'est-à-dire le KGB, la CIA, qui, dès la fin de la guerre, vont se livrer une lutte impitoyable, comme vous vous en souvenez. Et puis alors, dans cette bagarre, Field, malgré lui, est absolument incontournable. Hein. On peut en faire ce qu'on veut. Pour les Américains, s'il le faut, c'est un espion soviétique. Et pour les Soviétiques, c'est un espion américain. Mais attendez, vous m'avez dit, Field, malgré lui, est oui, un personnage incontournable. Oui, malgré lui, oui. Parce que Field, pour moi, c'est une marionnette. Bon, le problème dans son cas, c'est qu'il y a deux montreurs de marionnettes. Il y a KGB, CIA. Et la CIA, oui. Il y a un grand risque que les fils s'en mêlent un jour, on ne sait jamais. Bon. Sans compter que la marionnette elle-même est tellement imprévisible qu'elle peut tout embrouiller. Enfin, je résume, hein, pour aller vite. À l'Est, Staline, lui, voit d'un très mauvais œil l'irrésistible ascension de ses dirigeants communistes tchèques, hongrois et yougoslaves. Ouais, je comprends pas, pourquoi là? Parce qu'il les soupçonne de pouvoir être trop indépendants, donc le laisser tomber. Et puis eux, à la différence d'un Torres, par exemple, ils n'ont pas passé la guerre à Moscou. Donc ils ont vécu à l'Ouest. Ils ont souvent même courageusement combattu en Espagne. Ils n'ont pas subi cette fameuse férule de Staline. Et Staline a peur que ces gens lui fassent de l'ombre? Ouais, en tout cas, il risque de ne pas être assez docile. Et pour Moscou, il ne peut y avoir qu'un chef et pas une tête ne doit dépasser. Donc très vite, Staline se rend compte qu'un Tito, qui a libéré son pays à la tête de ses troupes, peut effectivement ne pas lui obéir aveuglement. Ça, alors là, il ne peut pas le supporter. Hein. De l'autre côté, à l'Ouest, on guette, on épie, sans toujours bien comprendre ce qui va se passer. Mais comme vous le savez, la kremlinologie est une science particulièrement subtile, rarement exacte. Alors tout à coup, là, les choses se précipitent à l'Est. Staline a décidé de mettre de l'ordre dans sa maison. En 1948, en plein été, le numéro 1 du PC hongrois, Rákosi, est convoqué à Moscou. Staline veut se débarrasser de László Rák, ministre de l'Intérieur, et qui a le malheur d'être le dirigeant le plus populaire du parti. Impardonnable pour Staline. C'est sûr. Bon, il faut l'abattre, ce mec-là. Donc il faut un motif, fabriquer des preuves contre lui. Mais quoi? Mais il me semble que, depuis les grands procès des années 30, surtout 36-37, les Soviétiques étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer des fausses preuves. C'est juste, oui, mais il fallait vraiment confectionner un dossier en béton et en même temps profiter de l'occasion pour frapper un grand coup. C'est-à-dire impressionner les opinions publiques et surtout, persuader les dirigeants communistes eux-mêmes de toutes ces démocraties populaires de rentrer dans le rang. C'est là qu'intervient Field. Field, je vous le rappelle, qui est un ami de Rack. Field, qui va être l'instrument de la plus grande purge qu'ait connue le monde soviétique. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres. de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Ces mots que je croyais l'autre, tu les diras dans d'autres bras. Désormais, je garderai ma porte close. Désormais, enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Un mot sur László Rák avant de poursuivre. Ce dirigeant communiste hongrois était un personnage très intéressant, un séducteur. On lui prêtait beaucoup de conquêtes féminines, mais c'était aussi un meneur d'hommes. Après avoir combattu en Espagne contre les franquistes, il avait passé 3 ans dans un camp en France. Puis, en 1941, il avait gagné clandestinement la Hongrie. Secrétaire du Parti communiste, clandestin, il est alors l'un des acteurs importants de la résistance aux nazis. Fin 1944, la Gestapo l'arrête. Il est déporté. Mais il survit et en 1945, Rák revient triomphalement dans son pays. A noter que parmi les principaux dirigeants du PC hongrois, c'est le seul qui n'ait pas passé les années de guerre à Moscou. Enfin, il est vrai, comme le disait M. X, qu'il était ami avec Field. Les deux hommes s'étaient rencontrés en Espagne pendant la guerre civile, et c'est Field qui avait réussi à le faire libérer du camp de réfugiés où les Français l'avaient interné après la défaite des républicains espagnols. Je vous propose de retrouver M. X. Bon, dans toute affaire d'espionnage comme dans toute affaire criminelle, il faut d'abord répondre à cette question toute simple. À qui profite le crime ? Bon, si on parvient à répondre correctement à cette question, je crois que la solution est déjà en vue. Bon, si vous cessiez pour une fois de faire des mystères. Bon, 1949, 50, 51, c'est la purge à l'Est, la grande lessive. Partout, on est pur. Des centaines, mais je dirais même des milliers de militants sont éliminés, salis, vilipendés. D'accord, on connaît tout ça. D'ailleurs, c'est même surprenant qu'on ne soit pas aussi indigné, autant indigné à l'époque. Mais Field, lui, alors qu'est-ce qu'il... Field, c'est le simple, tout simplement, c'est le grand responsable, en apparence au moins. Hein. Mais derrière, il y a le fameux chef d'orchestre, le montreur de marionnettes, le patron de la CIA, Alain Dulles. Et aussi extravagant que cela puisse paraître, ce sont effectivement les Américains qui ont permis à Staline de se débarrasser de ses indésirables. Ouais, les Américains... complice de Staline, mais alors dans quel but ? Bon, je vous l'ai dit. Cherchez à qui profite le crime. qui avait vraiment intérêt à faire couper toute cette tête communiste, sinon le pays qui menait la lutte anticommuniste dans le monde entier. Bon, je vais vous donner la preuve de ce que j'avance. Oui, parce que ça paraît quand même difficilement. Revenons en 1948, la fameuse année où Staline décide d'éliminer Irak. Dulles, sans doute grâce à Field ou un autre de ses agents infiltrés à l'Est, apprend que le maître du Kremlin veut se débarrasser du dirigeant hongrois. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Il imagine alors un plan absolument diabolique. Il faut que la pièce maîtresse de l'accusation contre Rack soit Field. Son ami, Field, espion américain. Mais ça ne suffit pas. Dulles, mieux que quiconque, sait que Field a connu tout le gratin de la résistance en Europe de l'Est. Et si d'un seul coup, on faisait de ces communistes des traîtres, des agents de l'espion américain Field? Extraordinaire, non? Bon, on commence donc à fabriquer des preuves concrètes, établissant que Field est bien un agent américain de haut niveau, un chef de l'espionnage américain. Et ça marche. Et bientôt, les Soviétiques sont rapidement convaincus que tous ceux qui ont approché un jour ou l'autre Field sont tous des traîtres. Pardonnez-moi, mais ça me paraît presque trop simple. Mais pas du tout. Il faut tenir compte de la psychologie de Staline, une espèce de monomaniaque qui voit des traîtres partout. Ainsi que toutes les directions des partis communistes tchèques, hongrois, bulgares sont décimées. C'est quand même un joli succès pour Dulles, non? Ouais, mais Field, il est aussi naïf que ça. Il se rend compte du rôle qu'on lui fait jouer ou pas? Non, je pense pas. Parce que les Américains lui cachent la vérité. Lui, il ne voit absolument rien. Il comprend rien. Il constate simplement que son ami Rack est en danger. Et il n'est pas conscient que c'est lui-même, Field, qui va l'envoyer à la mort. C'est là que Dulles va faire preuve du machiavélisme le plus incroyable. Il contacte Field et lui dit « Vos amis sont en danger à l'Est. Pourquoi n'iriez-vous pas essayer de les sauver ?» Et voilà le naïf Field qui se précipite de l'autre côté du rideau de fer. Où immédiatement, le KGB lui saute dessus et le met en prison. Il doutait de rien? Non, absolument de rien. Bon, c'est une aubaine pour les Soviétiques, vous en doutez. Ils ont mis la main sur l'espion américain qui a gangréné les dirigeants hongrois, tchèques, roumains, polonais. Un homme qui, par ailleurs, a les meilleures relations du monde avec les Yougoslaves, des traîtres en général. Souvenez-vous, Tito, il rue dans les brancards, celui-là. Bon, et puis ils sont tous donc au service du grand capital américain. C'est vous dire. Oui, alors, Field passe de l'autre côté du rideau de fer, hein. Donc, il est dans les mains des Soviétiques, et qu'est-ce qu'ils font avec lui? Il le passe à la moulinette. Bon, vous savez que ce sont des experts. Bon, Field a beau protester de ses convictions communistes, on ne l'écoute pas. On sait que Field est un espion, donc si c'est un espion, il doit parler, il faut qu'il parle. Et l'Américain craque. Alors, il donne des dizaines de noms, des centaines même, tous ces réfugiés qu'il a bien connus et qui sont tous aussitôt arrêtés. Bon, ils sont torturés, et puis ils avouent eux aussi. Bon, ils avouent pas simplement parce qu'on leur a promis la vie sauve, ou alors on leur dit par patriotisme de parti. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître. C'est l'aveu, quoi. Ah oui, on leur explique que leurs aveux sont nécessaires au parti. Et ces communistes fidèles, intelligents, mais à bout de force, avalent cette faribole. Bon, ils signent tout ce qu'on leur demande de signer. Mais alors, si Field, considéré comme un espion américain, si Field est la clé de voûte de ce système d'accusation... Ben, j'imagine que les Soviétiques ont dû le montrer, l'exhiber. Non, curieusement, non. Le nom de Field apparaît absolument dans tous les actes d'accusation. Mais dans tous ces procès, Field ne paraît jamais physiquement. C'est curieux, ça. Pas tant que ça. Field, je vous le rappelle, était quelqu'un de très imprévisible. Bon, le faire comparaître comme témoin, c'était peut-être prendre un risque. Or, vous saviez que tous ces procès staliniens étaient réglés comme du papier à musique. C'était vraiment des pièces de théâtre où chacun connaissait absolument son rôle par cœur. Même les accusés. Oui, bien sûr, surtout les accusés. Mais alors, Field, qu'est-ce qu'il est devenu après cette mascarade? Écoutez, il a passé plusieurs années en prison, 5 ans, je crois. Enfin, il était au secret, bien bouclé. D'ailleurs, en Occident, à part à la CIA, bien sûr, personne ne savait ce qu'il était devenu. Et quand il est sorti de prison? Je vous le donne en 1000. Contre toute attente, il a voulu rester à l'Est. Et il a été... bien traité. On lui a même alloué une pension. Après tout, du point de vue du KGB, il avait rendu des services, non? Il avait donné quelques noms. Et puis, pour lui, c'était difficile de rentrer aux États-Unis, puisqu'il était considéré comme un espion communiste. Bon. Et Dulles, qui aurait été le seul, vraiment, à pouvoir révéler le rôle qu'il avait joué dans les purges staliniennes, ne le pouvait, pour des raisons évidentes de secret. Oui, secret d'État, quoi. Ouais. Alors... Une dernière question, M. X. Tout au long de cet entretien, donné l'impression d'avoir été fasciné par Field. Alors, que pensez-vous vraiment de l'homme qu'il a été ? Bah, écoutez, je crois, personnellement, ça ne concerne que moi, que Field était vraiment quelqu'un de bien. Bon, il a fait emprisonner, parfois exécuter des dizaines, des centaines de militants honnêtes, mais il a été manipulé, enfin dans les mains de la CIA. Puis bon, j'oublie pas non plus son dévouement pendant la guerre d'Espagne, hein, et ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, croyez-moi, je suis persuadé que malgré toutes les apparences, Field était un homme honnête. Bien entendu, je laisse Monsieur X libre de cette interprétation, mais j'ai quand même voulu en savoir plus et je me suis reporté à la sténographie du procès de Rack, publiée par les Hongrois, les communistes donc. Les aveux de Rack confirme le récit de M. X, même si on sait maintenant qu'ils lui furent extorqués. Je cite, c'est Rack qui parle à son procès. C'est au camp d'internement du Vernet qu'un citoyen américain nommé Field, qui, à ma connaissance, était le chef du service de renseignement américain pour l'Europe centrale et orientale, vint me voir. Il se référa aux instructions reçues de Washington, selon lesquelles il devait se mettre en liaison avec moi et m'aider à sortir du camp pour rentrer en Hongrie. Il ajouta qu'on voulait me faire parvenir en Hongrie pour que je puisse, en tant que provocateur non démasqué et travaillant à l'intérieur du parti, chercher à désorganiser et à désagréger le parti. Fin de citation. J'ajoute que tous les autres accusés dirent aussi avoir eu des relations avec Field, qui est toujours présenté par eux comme un agent important, un chef de l'espionnage américain, alors qu'il n'était en réalité qu'un agent mineur, ce que M. X nous a clairement démontré. Je vous retrouve la semaine prochaine. M. X m'a déjà fixé un nouveau rendez-vous.